D'abord, je vous dirai qu'elle a des yeux de louve. Elle revient d'un pays qu'on ne peut plus connaître. Des yeux, je vous le dis, qui connaît. Elle et moi, je vous dis.